Embaucher sans embûche, c'est encore possible? Comment être plus vert sans être dans le rouge? Ou trouver de bonnes informations sur les formations? Être chef d'entreprise, c'est se poser beaucoup de questions. Avec le mouvement des entreprises de France, vous n'êtes jamais seul pour y répondre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur medef.com. Pourquoi nos ancêtres préhistoriques se sont-ils aventurés au plus profond des cavernes? Pourquoi ont-ils surtout orné ces espaces cavernicoles de peintures et gravures dont nombre est parvenu jusqu'à nous? Pour autant, qu'en comprenons-nous? Les préhistoriens pariétalistes ont-ils d'ailleurs réellement les moyens d'expliquer cet art, le tout premier de l'humanité? On en doute, tant les nombreuses hypothèses émises à leur propos sont erronées, infondée, abusive, voire gratuite. Dans ce cas, et face à l'impasse, serait-il tout simplement plus sage de cesser toute recherche, toute tentative d'explication ? Jean-Loïc Lekelec nous propose ce soir d'emprunter une autre voie, une de celles totalement ignorées par les archéologues, et cela afin de développer une nouvelle approche à partir d'une unique et simple question. Pourquoi pénétrer dans des grottes obscures, dans le but d'y figurer un petit nombre d'espèces animales, plus rarement quelques humains, souvent animalisés? Jean-Loïc Lekelec, bonsoir. Bonsoir. Directeur de recherche émérite au CNRS, incontournable spécialiste de l'art rupestre, notamment saharien, vous êtes aussi un de nos trop rares mythologues spécialistes des cosmogonies. Vous venez surtout de publier une somme, 889 pages, intitulée « La caverne originelle » qui vient de paraître aux éditions La Découverte. Singulier art qui s'enfonce dans les ténèbres du temps, écrivait en 1859 Charles Baudelaire. Pour autant, peut-on imaginer, Jean-Luc Lekelec, que l'homme, à l'image des ours ou du blaireau, ait exploré chaque cavité, chaque anfractuosité pour mieux y réaliser son art? Ah, ça c'est bien difficile à savoir. D'abord, il faudrait connaître toutes les cavernes et toutes les anfractuosités. Or, il y en a un certain nombre certainement qui restent à découvrir. Et combien il en reste à découvrir, on n'en sait strictement rien. Donc, on raisonne sur ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, c'est un pourcentage inconnu de ce qui existe. Ensuite, pour savoir si nos prédécesseurs du Paléolithique ont exploré tous les trous à leur disposition, c'est également difficile à savoir. Encore faut-il, pour s'en assurer, qu'ils aient laissé des traces. Alors là, c'est évidemment une des traces. Il y en a d'autres qu'étudient les archéologues. Mais parfois, il peut très bien n'y avoir aucune trace, qui ne veut pas dire que personne n'a jamais pénétré dans cette caverne où il ne reste rien. Donc c'est une question, je dirais que pour moi, en tout cas, elle reste pendante. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que quand ils ont investi une caverne, quand ils ont pénétré dans une grotte, très généralement, quand il s'agit de grandes grottes, parce qu'ils ont aussi évidemment investi des petites cavités, dans les grandes grottes, ils ont été partout, dans les moindres recoins, on en a 1000 preuves, et ils se sont aventurés jusqu'aux extrêmes tréfonds des cavernes. En tout cas, on trouve à peu près une grotte pariétale par an en France. On le sait, l'art de la préhistoire est assurément lié aux grottes, mais pas strictement cavernicole. Depuis 30 ans, plusieurs découvertes vont dans ce sens, notamment celle de Foscoa au Portugal. Oui, alors moi je me suis intéressé là à l'art des cavernes, comme selon l'expression consacrée. Je sais très bien que ça n'est pas tout l'art préhistorique. Il y a l'art mobilier, c'est-à-dire tous les petits objets ornés, les petits galets gravés, les objets de la vie quotidienne ornementés. Ça fait des dizaines de milliers d'objets. Et puis il y a aussi un art de plein air qui est maintenant documenté dans quelques endroits où il a subsisté jusqu'à nos jours, et il est suffisamment documenté pour qu'on pense qu'il y a dû y en avoir beaucoup plus que ce qu'il nous est resté. Et il y a l'art des cavernes. Alors, je m'intéresse plus particulièrement à l'art des cavernes, tout simplement parce que je me suis dit, quand même, il y a là quelque chose de particulier. C'est quand même étonnant, cette idée. Alors, dès qu'on sait dessiner, qu'on sait peindre, qu'on sait graver, qu'on sait sculpter, quand on trouve un beau support, c'est tentant, on peut se dire, et on va graver en plein air, où que se trouve le support. Mais quelle drôle d'idée quand même que de pénétrer dans la nuit obscure des cavernes, comme disait l'abbé Breuil, pour aller peindre, dessiner, graver, sculpter des images qu'il est si facile de faire à l'extérieur. Pourquoi ajouter tant de difficultés, tant de risques? Parce que parfois, certains des trajets pour aller voir ce qui nous est resté de cet art sont extrêmement dangereux, même quand on est très bien équipé aujourd'hui. Donc, quelle drôle d'idée! C'est ça la question qui m'a agité. En tout cas, les archéologues, comme tant d'autres, ont beaucoup glosé sur la grotte, la cavité, sorte d'intérieur organique, les boyaux et entrailles de la terre, d'une terre qui ne peut être qu'une terre-mère, la caverne en tant qu'archétype de la matrice maternelle. Il y a des pages et des pages sur le ventre de la Terre et de la matrice universelle. Oui, oui, il y a beaucoup, beaucoup, alors dans la littérature, mais aussi chez les savants, chez les préhistoriens, cette idée d'une grotte matrice, d'un sexe de la Terre qui serait la grotte, c'est une idée extrêmement répandue. Elle est tellement répandue qu'elle semble naturelle. Et c'est très souvent présenté comme un archétype, c'est-à-dire comme une idée qui serait commune à toute l'humanité, tellement c'est quelque chose qui tombe sous le sens. Alors évidemment, ça tombe sous le sens parce que c'est dans notre culture. Oui. C'est tellement présent dans notre culture que ça ne nous paraît pas du tout choquant, ça nous paraît naturel. Or, c'est complètement culturel. Il suffit de faire un petit tour dans d'autres cultures, dans d'autres endroits du monde, dans d'autres époques, pour s'apercevoir que non, en beaucoup d'endroits du monde, de cultures du monde, à certains moments des histoires des hommes, c'était le contraire. Je prends juste un exemple qui est quand même très connu et très parlant. C'est en Égypte ancienne, il y a une divinité de la terre, une divinité du ciel, qui s'accouplent, donc mâle et femelle, et en réalité, c'est la terre qui est représentée allongée, avec le ciel qui se recourbe par-dessus lui, et la terre a un magnifique phallus dressé pour féconder la ciel. C'est donc le terre qui féconde la ciel. Et donc c'est un magnifique contre-exemple, et on peut en trouver beaucoup d'autres. Donc ça n'est pas un archétype, d'une part, et c'est pas parce que ça nous paraît séduisant que cette idée était déjà présente au moment où les cavernes ont été ornées. Et bien sûr, moi je pensais aux troglodytes, les troglodytes d'Arabie dont parle Strabon et bien sûr aussi Agathe Archite de Cnide. Pourquoi cet art est-il si difficile à décrypter? Parce qu'on n'a que lui, grosso modo, on n'a que les images. Et on voit bien déjà la difficulté qui est celle de gloser une image, même quand on connaît le contexte. Si on regarde l'histoire de l'art plus récente, des tableaux du médiévaux ou des sculptures médiévales ou des tableaux de la Renaissance, si on n'avait pas les textes, si on n'avait pas tout ce qu'on connaît par ailleurs sur la culture, on serait très démuni face à certaines images. On pourrait imaginer des tas de choses, bien sûr, mais que ce qu'on pourrait en dire de vraiment intelligent et de vraiment pertinent? Sans doute très peu de choses. Et quand on voit actuellement, en ce qui concerne l'art contemporain, c'est-à-dire qui est notre contemporain, les querelles de spécialistes, les discussions, des interprétations possibles, qui parfois contredisent celles de l'artiste lui-même, bon, on voit bien que c'est très difficile de commenter des images. Quand on n'a que les images, ça devient presque impossible. C'est une gageure. C'est parce qu'il nous manque le contexte culturel des artistes? Il nous manque le témoignage des artistes, il nous manque le témoignage des commanditaires, il nous manque le témoignage de l'ensemble de la culture des artistes. On connaît des choses, bien entendu, mais sur le monde spirituel, dont on peut dire que relèvent probablement les images, on connaît pratiquement rien. Oui, il nous manque bien sûr l'artiste. On se souvient des errements de Neil William George McIntosh en Australie, par exemple. C'est un bel exemple. C'est un très bel exemple et une leçon pour tous les préhistoriens et tous les pariétalistes, puisque lui, il a publié un article très bien fait où il décrit un abri orné en Australie et il fait des statistiques. Ce que font tous les préhistoriens, et alors lui, c'était évidemment des kangourous, des animaux locaux. Des marsupiaux. Des marsupiaux, etc. Il fait des décomptes, il fait des statistiques, il y a tant de pourcents de tel animal, tant de pourcents de tel animal, tant de pourcents d'humains, etc. Et puis, l'article est publié. Et une vingtaine d'années plus tard, il retourne sur le site et là, il rencontre l'aborigène, disons, propriétaire, gardien, comme on dit maintenant, gardien du site, qui se rappelait très bien du moment où les images ont été réalisées et qui lui a expliqué la signification des images. Et là, il s'est aperçu que quelque chose comme 90% de ces lectures étaient fausses, y compris sur des choses très surprenantes. C'est que des représentations qui, au premier regard, nous semblaient représenter un animal, en fait, ne représentaient pas du tout un animal. Et des anthropomorphes, ce que les préhistoriens appellent des anthropomorphes parce qu'ils se méfient un petit peu quand même, ils se disent « ça ressemble à un humain, mais est-ce bien un humain ?» Eh bien, ce qu'il avait identifié comme anthropomorphe, la plupart, c'était pas des anthropomorphes. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il a publié un second article, alors là, bravo. Le chercheur objectif. Voilà, pour dénoncer son premier article et montrer combien il s'était trompé. C'est vraiment une très bonne leçon. Enfin, certaines hypothèses comme le chamanisme ne seraient que des tours d'adresse qui nous détournent du sujet et qui ne nous apprennent rien. Philippe Descola en parle d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire que le chamanisme, mais aussi le totémisme, mais aussi beaucoup d'autres des concepts, des façons de voir le monde ou des approches de type religieux, si on veut appeler ça comme ça, qui ont été mobilisés pour expliquer l'art, ça se repose sur rien. Ça repose quand même, grosso modo, sur quelque chose du type « j'ai l'impression que c'est chamanique, j'ai l'impression qu'il y a du totémisme là-dedans ». Et il y a une chose, moi, qui me frappe, c'est que, évidemment, on peut discuter chacune de ces interprétations dans le détail, argumenté très précisément, beaucoup d'auteurs l'ont fait, mais moi j'ai une critique générale à adresser à l'ensemble de ces façons de regarder l'art préhistorique qui consiste en gros à l'expliquer par autre chose que lui-même. Eh bien, cette autre chose qu'on va mobiliser pour l'expliquer, je pense qu'il y a un préalable indispensable qui serait de démontrer que ce quelque chose par lequel on va expliquer l'art existait déjà au moment où l'art a été réalisé. Si je veux expliquer cet art par le chamanisme, pourquoi pas? Il faudrait d'abord que je démontre, que je sois assuré qu'il y avait bien quelque chose comme du chamanisme à l'époque où les peintres, les graveurs et les sculpteurs préhistoriques travaillaient. Sinon, eh ben, je vais faire un énorme anachronisme. Ce chamanisme n'a-t-il pas fait du mal un peu à la profession pour finir? En bloquant la recherche. Oui, parce que notamment dès qu'il y avait des théranthropes, c'est-à-dire ces êtres anthropomorphes à forme humaine, mais avec des détails animaux, souvent la tête. Eh bien, il y a eu cette thèse qui a été de les regarder tout de suite comme des chamans en cours de transformation, en transe et en train de se transformer, avec un jeu de mots qui a eu beaucoup de succès dans les textes qui interprètent l'art de cette façon-là. Et alors, on en a vu en Afrique australe, ensuite dans les grottes ornées, ensuite au Sahara, ensuite en Amérique du Nord, ensuite en Amérique du Sud, ensuite en Sibérie et partout dans le monde entier. Ce qui veut dire qu'on avait une seule explication qui était valable pour quasiment toutes les époques, jusqu'à Gavrinis, aussi pour le néolithique, pourquoi pas, allons-y, et ensuite pour l'art médiéval, etc. Donc ça, c'est quand même, quoi qu'on en pense, légèrement excessif, disons. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Jean-Luc Lekelec, l'art est-il le propre des communautés préhistoriques européennes, une exception culturelle ou tout au contraire un phénomène mondial lié à l'homme moderne? Ah, je pense plutôt qu'il s'agit effectivement de quelque chose qui apparaît aussitôt que les humains qu'on dit anatomiquement modernes apparaissent. Il n'y a pas de société actuellement sans quelque chose qu'on peut appeler art. Alors, c'est pas forcément des arts graphiques aussi. Il y a des arts poétiques. Hein. Il y a l'art du chant, il y a l'art de la danse. Il y a beaucoup d'arts qui sont éphémères et qui n'ont laissé que très peu de traces ou pas du tout quand il s'agit de la préhistoire. Mais on peut vraiment très difficilement imaginer une société humaine qui n'ait pas une pratique telle qu'on puisse la dénommer art. Et pourrait-on postuler que cet art est déjà présent dès la sortie de l'Afrique de l'homme moderne? Bien sûr, pour moi, dès qu'il y a homme moderne, il y a de l'art. Il y a création à la fois par l'oralité, c'est-à-dire des récits légendaires, peut-être psalmodiés, des chants, des mythes, des légendes, et puis des images, et puis des chants. Voilà, c'est quelque chose qui est tellement répandu et qui est tellement associé à l'humanité que, bah, dès les premiers humains, on avait certainement la même chose. Ce que vous proposez, Jean-Luc Lekelec, c'est d'évoquer des histoires, des mythes. À cette fin, vous mettez en œuvre une méthode originale, croisant des liens de parenté entre les mythes et leur répartition spatiale dans le monde, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, pour prolonger ce que je disais tout à l'heure à propos de la façon d'expliquer les images en faisant appel à quelque chose d'autre, maintenant, c'est pas du tout scandaleux pour la plupart des préhistoriens de dire « oui, ces images avaient sans doute quelque chose à voir avec quelque chose comme de la mythologie ». Ça ne choque personne. Mais oui, d'accord, mais alors, si on parle de de mythologie, il s'agit donc de mythes. Alors, mais quels mythes? Comment les retrouver? Et les préhistoriens répondent, mais nous, ça, on peut pas les retrouver. Les paroles ne se fossilisent pas. Jamais on ne pourra retrouver les récits et les mythologies préhistoriques. C'est fichu, vraiment, complètement. Voilà. Et donc, la conséquence, c'est de dire, finalement, cette question n'est pas vraiment une question pour préhistoriens. Nous autres préhistoriens, nous travaillons beaucoup, mais pas à rechercher la signification de l'art, parce que nous savons que c'est impossible avec les outils qui sont les nôtres. D'où cette tentative de rechercher d'autres outils qui pourraient nous permettre de retrouver des mythes préhistoriques et de répondre à la question du départ, c'est-à-dire de dire « je vais essayer d'expliquer les images par des paroles, en gros, par des mythes, par des récits, en prenant soin d'essayer de démontrer avant que les récits auxquels je vais faire appel existaient bien au moment où les images ont été réalisées. » Et pour ça, il y a des méthodes. Alors, il y a des méthodes qui sont complètement ignorées par des préhistoriens. C'est pas un reproche qu'on fait aux préhistoriens quand on dit ça. C'est simplement que c'est un autre métier. Chacun a ses outils. Voilà, chacun ses outils. Et donc, les mythologues, et particulièrement les mythologues qui font de la mythologie comparée, ont construit des outils qui permettent de remonter dans le temps grâce à la comparaison entre récits mythiques. La préhistoire, c'est une machine à remonter dans le temps. La génétique, c'est une machine à remonter dans le temps. Et la mythologie comparée, c'est une autre machine à remonter dans le temps. Pourquoi s'en priver quand on essaye de retrouver le temps passé des humains qui dessinaient dans les cavernes? Et vous faites ça avec un mot compliqué, la philomémétique des mythes, c'est bien ça? Oui, c'est un mot un peu compliqué, mais pas tant que ça, puisque en fait c'est un mot qui est calqué sur phylogénétique. La phylogénétique, c'est l'ensemble des techniques qui consistent à fabriquer ce qu'on appelle l'arbre du vivant. Cet arbre de l'évolution par descendance modifiée, cher à Darwin. Et pour dessiner cet arbre, pour le reconstruire, on utilise des logiciels qui travaillent sur le code génétique des différentes espèces. Alors, quand on remplace les mythes par des codes, alors on peut les faire rentrer dans ce type de logiciel et fabriquer, avec la même technique, un arbre généalogique des mythes et voir si, par hasard, ils remonteraient pas assez loin dans le temps pour être probablement contemporains des gens qui ont réalisé les images dans les cavernes. Les mythes d'émergence primordiale évoquent une caverne. Que nous raconte ce mythe ? Alors, quel mythe mobiliser parmi les milliers et milliers et milliers de mythes qui existent dans le monde? Mais il n'y en a pas tant que ça qui nous parle de grottes, déjà. Et il y en a un qui nous parle de grottes en nous disant que à l'origine du monde, les humains et les animaux vivaient sous terre et que, par suite de tout un tas de circonstances qu'on n'a pas le temps de raconter ici, parce que c'est des mythes parfois qui prennent plusieurs jours pour être racontés en entier, ils sont sortis à l'air libre par une ouverture qui est donc une grotte. Et là, ensuite, ils se sont dispersés sur l'ensemble des continents, tant humains que animaux, se sont ensuite dispersés, et quelques-uns sont restés à l'intérieur. C'est ça qu'on appelle le mythe de l'émergence. Et la répartition de ce mythe est très très vaste. Oui, alors c'est le mythe de création, le mythe d'origine, le plus répandu de par le globe. Celui qui est le plus abondamment documenté, et c'est pratiquement le seul qui se trouve partout. Et quand on a une répartition comme celle-là, si on étudie, alors c'est pareil, il y a aussi des techniques pour essayer de remonter dans le temps à partir des cartes de répartition, sur une idée que je peux schématiser de façon plaisante en disant qu'une carte de géographie, c'est de l'histoire figée, et que donc, en comparant les cartes, on peut reconstruire de l'histoire. Eh bien, en faisant de la sorte pour les mythes, on peut reconstituer l'histoire de ce mythe et s'apercevoir qu'il est sorti d'Afrique avec les humains modernes dont nous parlions tout à l'heure, les humains anatomiquement modernes, et puis que ceux-ci l'ont répandu de par le globe à mesure qu'il peuplait le globe. Alors ce mythe, il raconte la sortie des hommes à l'air libre, c'est bien ça? Une oui. Partie des humains reste sous terre et sont immortels. La grotte se referme, notamment sous l'action d'une femme qui se retourne, par exemple. Oui, alors il y a beaucoup de variantes qui nous expliquent que les gens sortaient par cette grotte qui, à un moment donné, s'est refermée. Par il y a diverses raisons, mais c'est souvent une femme, par exemple, qui s'est retournée. Il fallait pas se retourner, un peu comme dans le mythe d'Orphée. Hein. C'est des motifs mythiques qui sont assez répandus. C'est pour ça que je l'ai pris. Voilà. Et le thème commun, c'est que l'émergence a été interrompue pour une raison ou pour une autre. C'est pas toujours une femme. Il y a aussi d'autres raisons. Parfois c'est un des animal. Des hommes, un monstre. Voilà, un monstre trop gros. Têtes. Il a deux têtes, par exemple, énormes, et du coup il bouche l'entrée et on n'a jamais pu le faire ni sortir, ni avancer, ni reculer. Et c'est resté comme ça. On n'a pas pu continuer à sortir. Alors, de toute manière, disons la morale de l'histoire, la conclusion, c'est que l'émergence, pour beaucoup de ces récits, c'est terminé à un moment donné. Mais ce n'est pas le cas de tous les récits. Dans beaucoup de récits, l'émergence ne s'est pas terminée et elle continue encore de nos jours. Ce mythe, moi, cela me rappelle l'allégorie de la caverne évoquée par Platon dans La République. Le mythe de la caverne serait tout simplement une sorte d'opposé? Oui, peut-être. Ou la caverne opposée de Platon. Oui, pratiquement une inversion, puisque en fait, là, dans les mythes d'émergence, c'est il faut retourner dans la caverne pour avoir la vérité de l'origine. Ce qui d'ailleurs se fait grâce à des rituels qui parfois ont encore cours actuellement dans certaines régions du monde où des gens retournent dans les cavernes parce qu'ils savent très bien que c'est la caverne originelle. Ça s'appelle la grotte de l'émergence, par exemple, dans les langues locales. On y retourne, on fait des feux, on fait des danses, on dessine des animaux sur les parois régulièrement, une fois par an, parce que si on ne le faisait pas, eh bien, la création s'arrêterait et le monde finirait par s'étioler et par disparaître. Si la répartition géographique de ce mythe est extrêmement vaste, ne pourrions-nous pas évoquer dans ce cas des cas de convergence, chaque mythe n'ayant alors aucun lien avec les autres? Oui, quand on a... Une attaque pour vous, Jean-Luc Lecalec. Oui, bien sûr. C'est un contre-argument qui est fréquemment opposé à ce genre d'explication. C'est de dire, ah, mais tout ça, c'est d'ordre de la convergence. Moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que quand on essaye de faire une démonstration et qu'on oppose à cette démonstration l'argument de la convergence, l'argument de la convergence lui-même se passe de démonstration. Comment démontre-t-on qu'il s'agit d'une convergence? Moi, je veux bien qu'il s'agisse d'une convergence, encore faudrait-il le démontrer. Moi, j'ai fait l'effort de démontrer que ce n'est pas une convergence, notamment parce que ces récits sont suffisamment longs, suffisamment développés. Par exemple, la version Hopi, il faut plusieurs jours pour la raconter, tellement elle est longue et tellement elle est complexe. Ça, c'est pas quelque chose qui émerge spontanément par-ci, par-là, qui tombe sous le sens et qu'on va réinventer tous les quatre matins. D'autant plus que à l'intérieur de ces récits, il y a des motifs qui sont extrêmement étonnants, extrêmement bizarres, comme par exemple un animal à deux têtes qui va bloquer l'entrée. Ça, c'est quelque chose qui tombe absolument pas sous le sens et que de même, on n'invente pas spontanément comme ça parce que ça fait bien dans l'histoire, ça rajoute du suspense ou je ne sais quoi du genre. Non, c'est des motifs qui sont très curieux et qui n'apparaissent pas comme ça spontanément, dont il est extrêmement improbable qu'ils apparaissent spontanément. Autant on peut admettre la possibilité d'une convergence, ça existe les convergences culturelles, autant on peut l'admettre pour des récits très brefs ou des analogies très simples. Le soleil est une roue qui tourne dans le ciel et donc ça peut être une roue de char. Et il suffit de trois phrases pour le raconter. Donc que ça apparaisse en plusieurs endroits du monde, à plusieurs époques, dans plusieurs cultures, c'est très possible. Par contre, quand c'est un récit qu'il me faut plusieurs heures pour raconter, très structuré, avec une structure complexe, il y a très peu de chances que ça relève de la même spontanéité inventive, disons. Le mythe de l'émergence primordiale est absent dans la moitié nord de l'Eurasie. Il aurait donc été remplacé par un mythe plus récent, donc bien sûr, le premier mythe étant le plus ancien. Oui, alors quand on compare plusieurs mythes, ceux pour lesquels on a une documentation suffisante et qu'on fait des cartes de répartition, on a souvent des très grosses surprises parce que l'idée commune, une des idées communes, on parlait tout à l'heure de la terre-mère qui est une idée simple et commune qu'on dit relevée de l'archétype. Une autre idée commune à propos des mythes, c'est de dire qu'ils sont universels. Mais dès qu'on commence à les cartographier, on s'aperçoit que ceux qui sont vraiment universels sont absolument rarissimes et qu'on a des mythes qui sont présents en Afrique mais nulle part ailleurs ou présents en Eurasie et nulle part ailleurs et dont la répartition est finalement extrêmement limitée, ce qui contredit aussi l'idée d'une invention spontanée qui expliquerait la thèse des convergences, par exemple. Et quand on superpose des cartes de différents mythes, on s'aperçoit assez souvent que certains d'entre eux ont des répartitions complémentaires. Et par exemple, pour ce qui est du mythe de l'émergence dont on en parlait, pour reprendre cet exemple, il y a des endroits sur la carte où il y a des trous. Là, on se dit, tiens, il n'est pas attesté, là, c'est bizarre. Et quand on le rapporte, la carte de répartition, à une autre carte de répartition d'un autre mythe, on s'aperçoit que les trous sont bouchés par un autre mythe. Donc l'hypothèse la plus simple pour expliquer cette situation, c'est de dire que le second mythe est apparu plus récemment. Alors après, c'est un peu long, mais on peut le démontrer aussi par d'autres moyens. Et qu'il s'est répandu, mais moins loin que le précédent. Et que là où il s'est répandu, il a remplacé celui qui était plus ancien. Comme Yuri Bereskine, vous posez donc l'hypothèse d'une origine préhistorique paléolithique de ce mythe. Puisque nous sommes dans des grottes, ce fameux mythe évoque-t-il pour autant des peintures et des gravures? Alors non, non. L'idée, c'est qu'il y aurait une connexion chose sur laquelle les préhistoriens sont généralement d'accord, une connexion entre les images et quelque chose comme une mythologie. Sauf que cette connexion n'est pas d'illustration. Les mythes ne décrivent pas ou n'évoquent pas les peintures ou les gravures ou les sculptures préhistoriques, et ils ne les illustrent pas non plus. Beaucoup de gens ont essayé de lire les images dans les grottes comme si c'était une bande dessinée, en disant « ça doit nous raconter quelque chose, on va peut-être réussir à retrouver l'histoire que ça raconte ». Et en fait, non, ça n'a jamais marché. Le rapport qui existe entre les deux n'est pas un rapport d'illustration. Le rapport, c'est simplement que les gens qui sont arrivés dans l'extrême Occident qui est le nôtre et qui ont trouvé des cavernes, se sont dit, ils sont arrivés ici avec dans la tête leur mythe d'origine qui était le mythe d'émergence, puisque on peut prouver qu'à cette époque-là, c'était le grand mythe d'origine de l'humanité et des animaux. Et donc, quand ils ont vu des grandes cavernes ou des ouvertures dans le sol, ils se sont dit « Ah, mais voilà, c'est bien ici que tout a commencé, voilà l'ouverture dont les ancêtres nous ont toujours parlé, voilà d'où nous sommes sortis à l'origine, voilà dont tous les animaux sont sortis à l'origine. » Alors, évidemment qu'en Dordogne actuelle, dans les Pyrénées actuelles, on n'a plus personne pour nous raconter ça. Mais en certains endroits du monde, on trouve encore des gens qui nous montrent, moi on me l'a montré plusieurs fois, plusieurs endroits du monde, qui nous montrent des cavités en nous disant « voilà le trou par où sont sortis tous les premiers animaux et nos premiers ancêtres ». Dans le mythe, oui, les animaux sortent aussi de la grotte, à l'insu d'ailleurs de leur gardien. Parfois, on se souvient dans ces cas-là du mythe de Polyphème et on se souvient d'Ulysse. Oui, alors c'est en fait le mythe de Polyphème, c'est une variante un peu tardive du mythe de l'émergence, puisque une idée commune qui est associée très fréquemment au mythe de l'émergence, c'est que la caverne a un gardien. Et ce gardien, c'est le maître des animaux. Les animaux n'appartiennent pas aux humains. Les animaux appartiennent à un être surréel qui en est le propriétaire et qui veut bien octroyer le droit de chasse aux humains quand on est dans une société de chasseurs. Hein. Mais il peut aussi le retirer. Il peut retirer tous les animaux dans les cavernes, les enfermer de nouveau, et du coup, les chasseurs reviendront bredouilles. À ce moment-là, quelqu'un qui est délégué par le groupe peut aller dans la caverne pour discuter avec le maître des animaux, ou ruser avec lui, comme le fait Polyphème, pour essayer de récupérer les animaux qu'il a, renfermés dans la caverne, pour punir les humains, souvent d'une rupture de tabou. Contemporain de l'art paléolithique, ce mythe peut-il être accepté comme une des explications de l'art rupestre ? Alors l'art rupestre en général, non, parce que l'art rupestre c'est gigantesque. Mais l'art des cavernes, va-t-on dire ? Voilà, l'art des cavernes, oui, parce que l'art des cavernes, disons que c'est un cas particulier de l'art rupestre. L'art rupestre, c'est dessiner des images sur des cailloux, en gros. Hein. Donc là, il y en a partout dans le monde entier, et c'est très généralement à l'air libre. On connaît des centaines de milliers de sites à l'air libre. Dans les cavernes, c'est beaucoup plus rare et c'est beaucoup plus localisé. Alors, cette association entre ce mythe de l'émergence qui nous parle de la caverne originelle et des images elles-mêmes dans les cavernes, avec des humains pas encore totalement humanisés, qui s'apprêtent peut-être à en sortir, eh bien, celle-là, cette association-là, on peut la faire uniquement pour l'art des cavernes. Donc vous feriez une sorte de théorie générale de l'art des cavernes ? C'est pas une théorie générale, c'est simplement le rappel que les humains, les artistes qui ont fait ces images avaient dans la tête un grand mythe d'origine comme tous les humains, et que ce grand mythe d'origine va très très bien avec cette idée très bizarre d'aller s'enfoncer dans la nuit des cavernes pour dessiner des animaux et des humains pas tout à fait encore humains. Jean-Luc Lekelec, merci beaucoup. À lire absolument 889 pages donc de votre livre « La caverne originelle » publié aux éditions La Découverte. Carbone 14 était réalisé par Félicie Faugère, à la technique Bruno Mourlan et bien sûr avec la contribution de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.